La ligne jaune continue sur la bordure du trottoir signifie que sur toute cette longueur, le simple arrêt est interdit. C'est justifié dans la mesure où un conducteur arrêté à ce stop aurait des difficultés à voir des voitures arriver vers lui. Pour stationner à gauche, je dois absolument faire demi-tour et mettre un disque de stationnement sur mon tableau de bord. En effet, je suis dans une zone bleue. Réponse B et D.